إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا في قراءة شرح الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى على أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Donc on est toujours dans la série de cours explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, expliqué par Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Et on arrive à la fin du livre. Normalement, on devrait le terminer la semaine prochaine, inshallah, si tout va bien. Aujourd'hui, on va faire deux chapitres, inshallah. On est arrivé, après avoir vu Shari'at Iqamat al-Hudud, la législation de l'application des peines légales prescrites. On voit aujourd'hui le chapitre qui a pour titre « Tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » C'est-à-dire juger innovateur quiconque parle mal d'un compagnon parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on va voir, en tout cas en partie, en grande partie, pas complètement aujourd'hui inshallah. Non, on va voir complètement aujourd'hui inshallah « Tafsir al-Nifaq » l'explication de l'hypocrisie. Et puis on va voir un autre chapitre qui a pour titre « At-Taslim » للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها. Le fait de se soumettre ou la soumission au texte, et ce même si l'on n'en connaît pas ou si l'on ignore, leur explication. Mais ce chapitre-là, on ne va pas le terminer aujourd'hui, Allah alam. On va donc peut-être le faire aux deux tiers, et on laissera donc le reste pour la semaine prochaine, inshallah. Et la semaine prochaine, on aura un autre chapitre qui est Al-Iman bi anna al-jannata wa an-nar makhluqatan wa hukmu man yunkiru dhalik. Et puis, un dernier chapitre qui est « As-salatu ala man mata min ahli al-qiblati walau kana mudhniban » Et on avait expliqué dans l'explication de Cha'oub al-Jabiri qu'est-ce que voulait dire « ahli al-qibla » et c'était quoi le mourad ici. Et on a « Al-Khatima » qui, si vous voulez, la conclusion en une petite page. Et avec cela, on aura fini « Usul Sunnah » inshallah. Mais comme je vous l'ai dit, cette épître de Cheikh Rabi' à la base, c'est quatre cours qu'il a fait dans une daura, quatre cours audio qui ont été retranscrits, et donc il y a toujours une série de questions-réponses après chaque cours. Donc aujourd'hui, c'est le 20e cours. Donc normalement, on devrait terminer en 21 cours, inshallah. Donc vous voyez bien que 4 cours en arabe, là on arrive à 20 en français, hein, et vous allez avoir ici une série de questions-réponses à la fin, inshallah, et ce sera donc la semaine prochaine. J'espère qu'on pourra toutes les faire pour qu'on puisse terminer. Normalement, ça devrait être possible en une leçon, inshallah ta'ala. Donc, nouveau chapitre, juger innovateur quiconque parle mal d'un compagnon parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. يقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Donc l'auteur, l'imam Ahmed rahimahullah, il dit que Allah lui fasse miséricorde. Et je vous avais dit que الواو هنا عطف على ما كان قبله من الأصول. C'est-à-dire que c'est une conjonction de coordination qui lie ce fondement qu'on est en train de voir aux autres fondements qu'on a déjà cités. Parce que le livre, il commence encore une fois en disant « Wa usulu sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila akhiri ma qalahu al-imam Ahmed rahimahullah ta'ala ». C'est-à-dire que les fondements de la sunna sont indana, chez nous, les gens de la sunna, le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on arrive dars après dars jusqu'à aujourd'hui, et on voit quoi? Que, et quiconque parle mal de l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou le déteste pour quelque chose en raison d'un fait de sa part, ou cite ses défauts, est un innovateur jusqu'à ce qu'il demande pour eux tous qu'Allah leur fasse miséricorde, c'est-à-dire at-tarahum, hein, du verbe tarahama, tarahamu, tarahuma, c'est-à-dire qu'il demande pardon, le fait de demander rahma pour eux, hein, qu'Allah leur fasse miséricorde et que son cœur soit saint ou pur envers eux. Explication maintenant de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Il dit fahada min usul ahli sunnah. Pourquoi, comme j'avais dit, c'est tout, depuis le début du cours, ou depuis le début des cours, on s'attache à étudier les fondements des gens de la sunna. Donc il dit, « Fahada min usuli ahli sunna, anahu la yajouzu intiqasu ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa la dhikru masawi'ihim, au hadathin minhum, lo hadatha hadathun minhum, ma'al asafi shadid, hada lahwan ad-din alihim, lahwan ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa lahwan aqaid l'islam, شخص يهين الأنبياء يهين الصحابة يكفر يرمي بالنفاق يكفر الأمة وهو سيد السادات وإمام الأئمة عند من يريد أن ينهض بالأمة وهو يذكر من هنا أو يشير إلى من يشير إلى سيد قطب ويعيد لها مجدها هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله عز وجل ويلحقون بالروافد لأنهم يدافعون عن هذا الرفض ويدافعون عن هذا الإلحاد ويدافعون عن هذه الزندقة ويدافعون عن الكتب التي حوت هذه الجرائم ويوالون ويعادون عليها هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله ولا يثق بهم ولا قيمة لهم ويجب أن يلحقوا بالروافد وطوائف أهل الضلال ويحارب أشد الحرب هؤلاء خونة غشاشون ضيعوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتلبيس والحيل والمكر. Donc Cheikh Rabi, il dit, cela fait partie des fondements des gens de la sunna, c'est qu'il est interdit de parler mal de quiconque parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est interdit de citer leurs défauts ou un fait, un hadith de leur part, si cela est arrivé de leur part. Malheureusement, cela est une méprise de leur part envers la religion, et une méprise, hein, des gens qui font cela, qui méprisent ou qui dénigrent un des compagnons du prophète alayhi salam, et une méprise des compagnons de Mohammed alayhi salam, et une méprise des croyances de l'islam. Ça faut bien comprendre cela ici. Et déjà, je vais vous référer à une vidéo qui est un dars de Cheikh Raslan. Parce que Cheikh Raslan, Mohammed Saïd Raslan, hafidahullah ta'ala, parmi les chiurs d'Égypte, les chiurs salafis d'Égypte, il a une explication aussi de Usul Sunnah. Elle fait 16 vidéos. Dans la 15e vidéo, il s'attache à étudier ce chapitre-là. Il explique bien. Je ne vous cacherai pas que j'avais envie de vous rapporter cela, mais j'étais devant un dilemme. Je me dis, est-ce qu'on se limite à ce qu'il a dit, Cheikh Rabi, et on avance un peu jusqu'à ce qu'on fasse un autre livre, hein, ou on va plus en détail comme on le fait d'habitude, et je vais chercher ce qu'a dit Cheikh Raslan. J'ai pris la première décision, le premier choix, j'ai dit qu'on va se limiter à ce qu'il a dit, Cheikh Rabi, mais retournez, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit, comment il détaille les choses et le tafsil qu'il donne, etc. Et il souligne un point important. Il dit que l'adala des sahaba, hein, ça fait partie des choses qui font partie de nos croyances. Dire que hein, l'adala, le fait qu'il soit udul, tous les sahaba, qu'ils soient dignes de confiance, hein, eh bien c'est quoi? Sans rentrer dans les détails de ce sur quoi l'adala, etc. Eh bien ça fait partie de nos croyances. Et il parle notamment de ce qui s'est passé à l'époque des Sahaba, etc. Il rapporte la position d'Ahl Sunnah par rapport à cela, comment se comporter par rapport à cela. C'est un dars très intéressant. C'est la 15e vidéo. Et d'ailleurs, le chapitre qui est après sur Tafsir al-Nifaq, il explique aussi dans cette vidéo-là. Et dans la 16e vidéo, il rapporte aussi sur ce qui est sur l'hypocrisie, etc., al-Nifaq, etc. Et il parle aussi de Masa'il al-Takfir. Et comme je l'ai déjà dit, c'est que les gens de la sunna, il ne se précipite pas à poser ce lourd jugement de takfir sur les gens, sur le mu'ayyan. Et le Cheikh Raslan, il fait bien la différence entre ce qu'on appelle takfir l'ayn et takfir al-nawa. C'est-à-dire le fait de takfir de genre, celui qui fait telle chose est un kafir, et le takfir du spécifique. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà dit, on a déjà apporté les règles dans là-dedans, et comme il a dit Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, wala yatim ul hukmu ala shi'i hatta shurutu tajtami' wal mawani'u tartafi'. Et le jugement spécifique sur une personne spécifique n'est pas complet tant que, ou ne peut pas être posé tant que quoi? Tant que les conditions ne sont pas réunies et les empêchements ne sont pas levés. D'accord? On pourra éventuellement plus rentrer en détail là-dedans si on fait Nawaqid l'Islam. Et franchement, je ne vous cacherai pas que c'est un des titres que je voudrais peut-être faire après celui-ci avec le charah de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul. Ce qu'il rapporte, la manhaj al-sunna al-jama'a, dans le takfir, et donc comment se comporter par rapport à Nawaqid l'Islam, etc. On avait déjà parlé de Nawaqid l'Islam, et la différence entre Nawaqid l'Islam et Nawaqis l'Islam, dans les années d'âge précédents, etc. Et donc on a dit quoi ici? Que il y a un individu qui méprise les prophètes, méprise les compagnons. Il juge mécréant et il accuse d'hypocrisie. Il juge la communauté, la Ummah, comme étant mécréante. Et malgré cela, il est considéré comme le chef des chefs et l'imam parmi les imams. Par qui? Par ceux qui veulent mettre la communauté debout et lui rendre sa grandeur, comme ils le prétendent. Ceux-là ne sont pas dignes de confiance en ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on les range avec les rawafid. Car ils défendent ce rafd, et défendent cet athéisme, et défendent cette hérésie, ils défendent les livres où sont compilés ce genre de crimes, ce genre de jaraïm, qui est le pluriel de jarima. Et ils aiment et détestent en fonction de cela. Cheikh, il dit, il est obligatoire de les ranger avec les rawafid et avec les groupes des gens de l'égarement et de les combattre de la manière la plus forte. Ceux-là sont des traîtres, des imposteurs qui ont perdu les fils de cette communauté, ils ont perdu au moyen de la falsification et des ruses et de la perfidie. À la fin, j'ai voulu aussi faire un petit dar sur ce qu'il dit, c'est trop tôt, certaines de ces erreurs. Je vais juste rapporter quelques paroles qu'il a dit sur Othman ibn Affan, radiallahu anhu ardah. Mais sinon, je vous ai cité une dizaine de livres que Cheikh Rabi lui a consacrés. On va citer les titres un par un, Inch'Allah. Je vous donne les références. Vous pouvez aller voir plus en détail. Vous pouvez aller voir qu'il a critiqué Moussa alayhi salam, qu'il a critiqué beaucoup de sahaba, qu'il a critiqué notamment Othman. On va voir qu'il a considéré son califat comme étant un vide entre les deux califats, c'est-à-dire entre les deux Cheikh et Ali. C'est-à-dire entre Abu Bakr Omar et Ali. C'est-à-dire que c'est un vide. Son califat, c'était un vide, etc. Et donc, Cheikh Rabi, ici, il dit, Hafidahullah ta'ala, هذا دين الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كيف تقولون نحن من أهل السنة والجماعة وأنتم في واد وهم في واد كلما نأتي في واد نجدهم مع أهل البدع كلما نسلك شعبا من شعاب أهل السنة نجدهم في الشعاب الأخرى تنافحون وتدافعون على أهل البدع والضلال والله وضعوا القواعد والمناهج وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية لأهل البدع فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة يجب أن يلحقوا بأهل الضلال وأهل البدع ويلحقوا بالروافد هكذا ولو ادعوا أنهم ضد الروافد لا نصدقهم ولا نأتمنهم على أبنائنا الآن أبناؤنا في مدارس وجامعات فيهم أهل البدع يربيهم هؤلاء ويربون هذا على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرور بشباب الأمة والشرود عفوا بشباب الأمة عن منهج أهل السنة والجماعة وينقد لهم الشباب مع الأسف يعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين أو يعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين بعقول الشباب. الشيخ الدي حفظه الله تعالى ceci la religion d'Allah, ceci la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et Cheikh dit, comment pouvez-vous dire nous faisons partie des gens de la sunna et du consensus alors qu'il y a un monde qui vous sépare? Chaque fois que nous venons à une vallée, c'est une expression en arabe, nous vous trouvons avec les gens de l'innovation. Chaque fois que nous prenons un chemin parmi les chemins des gens de la sunna, eh bien nous vous trouvons dans d'autres chemins, dans les autres chemins, défendant les gens de l'innovation religieuse et de l'égarement et luttant avec eux. Cheikh dit, par Allah, ils ont émis les règles et les méthodologies, ils ont remué ciel et terre afin de défendre les gens de l'innovation religieuse. Comment cela pourrait-il donc faire partie des gens de la sunna? il est obligatoire de les ranger avec les gens de l'égarement et les gens de l'innovation religieuse. Et qu'ils soient rangés avec les rawafid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. En Iran, ils ont fait un timbre à l'effigie de qui? De cette Qutb. Hein? Pourquoi? Parce qu'il donne une grande importance par rapport à ce qu'il a dit par rapport à Sahaba. Et Cheikh il dit, et même s'ils prétendent être contre les rawafid, nous ne les croyons pas et nous ne leur faisons pas confiance en ce qui concerne nos enfants. Maintenant, nos enfants sont dans des écoles et des universités dans lesquelles il y a des gens de l'innovation religieuse qui les éduquent. Ils sont éduqués à cette corruption, et à cet égarement, et à cette perte, à cet éloignement, et à distraire les jeunes de la communauté de la voix des gens de la sunna du consensus. Et les jeunes se soumettent à eux, malheureusement, et font aveuglément confiance à ceux-là, à ces tricheurs qui jouent avec les raisons des jeunes. Et puis, il rapporte la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit « وَمَنْ يَنْتَقَسَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ أَبْرَدَهُ بِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ لَوْ حَصَلَ وَلَوْ ثَبَتَ أَنْ هَذَا الصَّحَابِ وَقَعَ فِي خَطَأٍ لَا تَذْكُرُهُ وَلَا تَنْتَقِسُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلْ قُلْ هَذَا مُجْتَهِدٌ هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ مَا حَصَلَ مِنْ خِلَافٍ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَهُمْ مُجْتَهِدُونَ وَكَثِيرٌ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِمْ كَذِبٌ كَثِيرٌ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِمْ حُرِّفَ وَغُيِّرَ وَبُدِّلَ وَزِيدَ فِيهِ وَنَقُصَ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تيمية رحمه الله تعالى وما ثبت عنهم من الأخطاء فهو كقطرة في بحر يعني لما يخطئ خطيئة وحسنة من حسناته تمرة ينفقها أفضل من جبل أحد تنفق أنت مثل جبل أحد من الذهب وهو يبذل مدا من الشعير أو نصف مد يأتي عند الله هذا المد أفضل من جبل أحد ومن جبال الدنيا كلها بارك الله فيك لو جمعت جبال من هذه النفقات ما تكون مثل مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Cheikh, il rapporte donc la parole de l'imam Ahmed, il dit, et celui qui parle mal de quiconque parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou le déteste en raison d'un fait émanant de lui. Et Cheikh, il explique cette partie-là. Et il dit quoi? Il dit, et même si cela est arrivé, et même si cela est établi, parce qu'il y a beaucoup de choses, et c'est ce qu'il va le dire un peu plus loin, qui sont dites sur les sahaba qui ne sont pas vraies. Et même si cela est établi, que ce compagnon ait commis une erreur, ne le cite pas et ne le dénigre pas en raison de cette... en raison de cela, mais de plus dit que c'est un mujtahid, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'effort d'interprétation. Et c'est cela la voix des gens de la sunna et du consensus, que ce qui est arrivé comme divergence entre les compagnons, ils sont en cela des mujtahidoun. D'accord? Et ça, je vous recommande vivement tous les livres de croyance. Il y a un chapitre sur le sahaba et il parle en général de ce qui s'est passé entre sahaba et de comment se comporter. Et les ulama, ils ont fait des durus complets sur comment se comporter vis-à-vis de la divergence qui s'est produite et qui a eu lieu entre sahaba. Parce qu'il faut faire attention dans ce chapitre-là. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de mettre des ambiguïtés par rapport à ce qui s'est passé entre sahaba. Et il faut savoir le mawqif, le correct, la position correcte à avoir et qui est la position et le mawqif correct d'Al-Sunnah wal-Jama'a. C'est très important. Et dans les livres notamment que Cheikh Rabi a consacré à réfuter ses qutub, ses prétentions, ses accusations, ses mensonges et ses insultes sur le sahaba, et bien il s'attache à parler de cela et à faire la part de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de comment se comporter avec cela, etc. Et Cheikh, il dit d'ailleurs ici, écoutez bien, il dit « Et beaucoup de choses qui leur ont été attribuées sont mensongères. » Beaucoup de choses qui leur ont été attribuées ont été changées et transformées, et des choses y ont été rajoutées et d'autres enlevées. Comme l'a dit qui? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ce qui est établi comme erreur de leur part, c'est comme une goutte dans l'océan, c'est-à-dire lorsqu'il fait une erreur, l'une de ses bonnes actions, une date qu'il offre en aumône, est meilleure que la montagne d'Uhud. Et on vous a déjà rapporté le hadith par rapport à ça dans un de nos cours, qui était déjà consacré aux sahaba, et va y faire référence ici, inshallah. Et il dit, toi tu donnes en aumône la montagne d'Uhud en or. Alors que lui, il donne en aumône un moud d'orge, ou la moitié d'un moud, et ce moud est auprès d'Allah meilleur que la montagne d'Uhud et que toutes les montagnes du monde. Pour montrer le degré de Sahaba, radiallahu anhum, ardahum. Qu'Allah te bénisse. Et d'ailleurs, une parole qui me revient en tête que le salaf disait par rapport à ce qui s'est passé, il disait, ce qui s'est passé à l'époque, Allah Azza wa Jal a préservé nos sabres du sang. On demande qu'Allah Azza wa Jal qu'il préserve quoi? Nos langues de parler en mal sur Sahaba. Regardez, salaf, comme ils comprenaient la religion. D'accord? Parce qu'ils avaient peur. Parce que c'est grave de parler en mal d'un compagnon, de dénigrer et de parler en mal, de dénigrer ou de diminuer la valeur d'un, ne fût-ce qu'un parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh, il dit, et que toutes les montagnes même du monde, qu'Allah te bénisse, si tu regroupes l'équivalent de toutes ces montagnes en aumône, elles n'arriveraient pas au mud d'un compagnon parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh, il explique, il dit, يعني يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلتهم عند الله لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحدهم أو نصيفه. Ici, je crois qu'il y a un mot qui manque dans la tabaka que j'ai ici, qui est de Majmou' al-Fatawa, le deuxième volume. C'est de tabat Dar l'Imam Ahmed. Ici, normalement, il y a un mot qui manque, c'est Yaj'al mud ahadim au nasifahu. Et puis, il est marqué Mimma. Je ne sais pas ce que vous avez, vous. Au nasifahu afdal Mimma yunfiqhu kibar al-tabi'in. Kifa bika anta Ya'ani ha'oula alladina yata'anuna fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ما عظمهم وما عرفوا منزلتهم بل استهانوا بها الذين أو الذين يدافعون عن هذه الأصناف يشوسيف الذين الذين يدافعون عن هذه الأصناف ويتولونهم ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا منزلتهم وإلا كيف يتولون هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشر الكتب وتطبع التي تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويروج لها ويدافع عنها ويقال نحن من أهل السنة والجماعة لا والله لا والله لا والله إن أهل السنة براء من هذه الأصناف أو براء من هذه الأصناف. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Hafidhullah Ta'ala, pour terminer ce chapitre, il dit qu'il nous est obligatoire de les respecter, c'est-à-dire de respecter qui? Tous les Sahaba. Et de les estimer, et que nous sachions leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont un statut immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait déjà rapporté dans un des chapitres qu'on avait consacré à cela dans Usul Sunnah, certaines preuves qui indiquent leur degré, leur statut dans la législation de l'islam. Et qu'ils fassent, subhanahu wa ta'ala, que le mud de l'un d'entre eux, ou la moitié qu'ils offrent en aumône, est meilleur que ce que les grands tabi'un, kibar tabi'in, donnent en aumône. Qu'en est-il de toi alors, le Cheikh il dit? Ceux qui critiquent le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les ont pas estimés et n'ont pas connu leur degré. Mais de plus, ils ont dénigré leur degré. Ceux qui défendent ce genre de personnes et les aident, ils n'ont pas connu le degré des compagnons et ne les ont pas estimés. Et subhanallah, c'est agi parce que des fois, pour les gens qui sont influencés par le fikr, l'idéologie de cette qutub, quand tu critiques cette qutub ou que tu leur rapportes les erreurs de cette qutub, etc., ils vont se mettre en colère. Tandis que quand tu leur rapportes les paroles qu'il a dit sur Moussa alayhi salam, ou sur Amr ibn al-As, ou sur Mu'ab ibn Abi Soufyan, ou sur Abu Soufyan, ou sur Hutba ibn Hind ibn Utbah, ou sur Uthman ibn Affan, eh bien là, il n'y a pas de problème. C'est ajib. Comment, quoi, les balances, elles se sont renversées. Toi, tu ne peux pas critiquer cette qutub. Par contre, lui, il peut critiquer un compagnon, il peut critiquer un prophète, il peut dire des paroles très graves sur des gens qui ont ce statut-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh, il dit, car si c'était le cas, comment pourrait-il aider ceux qui insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Des livres qui insultent les compagnions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais en citer, on va citer les références. Pour pas dire que Cheikh Rabi' il accuse faussement les gens. Cheikh Rabi', il a toujours dit, moi, ce que j'ai fait, c'est juste rapporter ce qu'il a dit, cette qutub, et réfuter ce qu'il a dit avec le kitab wa sunna. Et dire, les ulama, ils l'ont beaucoup remercié là-dessus. Et il y a des ulama qui l'ont fait avant lui, il faut savoir ça. Parmi eux, c'est qui? Mohamed Shakir, rahmatullah, le grand savant égyptien. Aussi, Abdullah Douaish. D'accord? Et donc, Cheikh Rabi, il dit quoi ici? Il dit, car si c'était le cas, comment pourrait-il aider ceux qui insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Des livres qui insultent les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont imprimés et distribués, ils sont promus et ils sont défendus ces livres. Et puis on dit, nous faisons partie des gens de la sunna du consensus. Cheikh, il dit, non par Allah, non par Allah, non par Allah. Et vous connaissez la preuve, non, après avoir fait ce livre, c'est quelqu'un qui dit ça, tu dis, non, tu fais pas partie des gens de la sunna, toi. Pourquoi? Parce qu'on a dit quoi? Que celui, vous vous rappelez au début du livre, que quiconque contredit l'un de ses fondements, transgresse l'un de ses fondements, est-ce qu'il peut être considéré comme étant faisant partie des gens de la sunna du consensus, là, subhanallah, tu critiques sahaba ou un compagnon, hein, et tu défends ceux qui critiquent les compagnons, et tu te considères, on doit te considérer comme faisant partie des gens de la sunna du consensus. Or, fait partie des fondements des gens de la sunna du consensus, le fait de quoi? De respecter, et d'estimer, et de donner la juste valeur et leur degré qu'ils méritent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné aux sahaba. Et Cheikh, donc, il termine ce point-là en disant, les gens de la sunna sont innocents de ces catégories de gens. Donc il faut s'innocenter de ce genre de gens-là. Avec ça, on a fini le chapitre sur les sahaba, ou plutôt sur le fait de juger innovateur quiconque parlerait en mal ou dénigrerait l'un des compagnons parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour plus de détails, vous avez l'explication de Cheikh Raslan, c'est la vidéo numéro 15. Alors, comme j'ai dit, je voulais faire un cours plus en détail sur ce qu'il dit cette Qutb sur Sahaba, mais vous avez vu, on a fait 20 cours déjà, on n'a pas terminé Usul Sunnah, alors que c'est un petit épître. Si on fait tout ce qu'il a dit, cette Qutb sur le Sahaba et les réfutations des ulama, notamment Cheikh Rabi', on va rester 2 ou 3 ans ici minimum. Et je plaisante pas, parce que je vais vous donner des titres, vous allez voir que la liste, rien que des titres, elle est nombreuse. Et d'ailleurs, dans le Majmou' al-Fatawa, Cheikh Rabi', dans un de ses livres, il a cité une risala que Cheikh Mohamed Shakir a écrit, qui s'appelle « La tasubbu ashabi », en réfutation de cette Qutb et de ses paroles, etc. Bien, pour donner au moins un exemple de dénigrement des compagnons par un contemporain qui est considéré pour beaucoup comme, faussement d'ailleurs, comme étant un imam à suivre, et c'est cette Qutb. Il dit au sujet de Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agré, et nous penchons vers la considération du califat de Ali comme une continuation naturelle des califats des deux chers. C'est qui Cheikh Han? C'est Abu Bakr et Omar. Avant lui. Et que l'époque de Uthman était, en arabe il utilise le mot fajwa, était un vide entre les deux. Alors, pour les gens qui peut-être se mettent en colère, qu'ils se calment, sur internet ou autre, on va leur donner une source pour montrer comment on passe sur les gens. C'est tiré d'un livre, qui est un livre de cette Qutb, qui est Al-Adalatul Ijtima'iyya, page 206. Et c'est la 5e édition. Cheikh Rabi' rapporte toutes les éditions quand il réfute cette Qutb. Deuxième point. Donc, Al-Adalatul Ijtima'iyya, qui est un livre très connu de cette Qutb, page 206. Tab' al-Khamis, la 5e édition. Deuxième point, regardez ce qu'il dit, c'est Qutb, sur Uthman ibn Affan toujours. Et il fait l'éloge, c'est Qutb, de la rébellion contre Uthman. Ibn Affan radiallahu anhu arda. Et il voit que cette rébellion est plus proche de l'esprit d'islam. Comme le dit Cheikh Rabi', aqrabu min ruhi l'islam, que la position de Uthman est derrière lui, Umayya, yani, Banu Umayya. Donc je répète cette parole-là. Il fait l'éloge cette Qutb de la rébellion contre Uthman, il voit que cette rébellion est plus proche de l'esprit de l'islam que la position de Uthman, ou que la position de Uthman est derrière lui, Umayya. Ou Banu Umayya. Source, le même livre, Al-Adalatul Ijtima'iyya, page 189. Et c'est la 5e édition. Et il y a son sens aussi dans une autre édition, qui est la 12e, comme il dit Cheikh Rabi', page 160-161. Et d'autres graves paroles encore à l'encontre de Uthman, le troisième calife, Dhun-Nurayn, le troisième calife parmi les califes bien guidés, qu'Allah l'agré, radiallahu anhu, ardahum jami'an, et sur d'autres compagnons, et sur Moussa, alayhi salam, et les nombreuses erreurs dans la croyance. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Rabi', qui sont consacrés à étudier les erreurs dans la croyance de cette Qutb, qui s'appelle Adwa Islamiyya ala Aqidati Sayyid Qutb wa Fikri. Je vais les rapporter tous, Inch'Allah. Alors maintenant, pour plus de détails, voici des titres de livres que Cheikh Rabi' a écrit au sujet de, ou sur cette Qutb et ses égarements. Premier titre, Adwa'u Islamiyyatun ala aqidati Sayyid Qutb wa Fikri. Deuxième, et ça c'est un livre que Cheikh Rabi' a consacré spécialement à défendre le Sahaba. C'est Mata'in Sayyid Qutb fi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ont le majmou' de fatawa et les rasa'il, ils sont tous dans le majmou' de fatawa. Je vais vous donner les références, inshallah. Ces deux livres-là, qui sont Adwa Islamia et Mata'in Sayyid Qutb fi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ces deux livres, ils sont dans le sixième volume du recueil de fatawa et d'épîtres de Cheikh Rabi'a. Dans le sixième volume. Vous avez un troisième épître qui est Al-Hadd al-Fasil bain al-Haqq wal-Batil. Où Cheikh Rabi' il réfute un Cheikh d'Arabie Saoudite qui défendait cette Qutb. Quatrième titre, Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Cinquième titre, Nadarat fi kitab al-Taswir al-Fanni fi al-Qur'an al-Karim li Sayyid Qutb. Sixième titre, Yanbou' al-Fitan wal-Ahdath alladhi yanbaghi lil-Umma ma'rifatuhu thumma radmuhu. Numéro 7, Atwar Sayyid Qutb fi Wahdat al-Wujud. L'aqida là. Huitième livre, Naqd kitab al-Thaqaf al-Islamiyah. Neuvième livre, Nadrat Sayyid Qutb ila Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dixième titre, Sayyid Qutb huwa masdaru takfir al-mujtama'at al-islamiyya. Ce titre-là, il est très révélateur et c'est vrai que Sayyid Qutb, c'est la source du takfir des communautés musulmanes aujourd'hui. D'ailleurs, Sayyid Qutb, il considérait que c'était tous des communautés de la, c'est tous des communautés de la jahiliya. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de gens qui sont malades de la maladie du tekfir sont influencés par cette Qutb. Ces huit derniers livres que je viens de citer, donc les deux premiers sont dans le sixième volume du recueil de fatawa de Cheikh Rabi', et ces huit derniers livres se trouvent dans le septième volume du recueil de fatawa et d'épître de Cheikh Rabi' aux éditions de Dar al-Imam Ahmed. Je vous recommande vivement, les frères, si vous ne l'avez pas, d'acheter ce recueil de fatawa et d'épîtres. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, un autre chapitre, un nouveau chapitre. Et d'ailleurs, c'est un beau cadeau à vous faire entre vous. De vous offrir ce genre de livre-là, ou de vous aider à payer ce genre de livre-là, etc. Comme Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit, c'est une des choses que les salafs faisaient, que les ulama font encore aujourd'hui, ils s'offrent des livres. Chapitre suivant, Tafsir al-Nifaq, l'explication de l'hypocrisie. Qala, wa al-Nifaq huwa al-Kufru, an yakfura billahi wa ya'budu ghayrah, wa yudhiru al-Islam fi al-Alaniyah, mitl munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah, c'est-à-dire, et fait partie des fondements des gens de la Sunna, des fondements de la Sunna, et l'hypocrisie est la mécréance qui est de mécroire en Allah et d'adorer autre que lui. Cheikh Rabi va faire un commentaire par rapport à ça, Inch'Allah. Mais de montrer l'islam à la face du monde, c'est-à-dire publiquement, de montrer l'islam, à l'exemple des hypocrites qui étaient à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'explication de ce passage par Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, il dit... والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره c'est-à-dire qu'il cite la parole de l'imam Ahmed ici. Puis maintenant il parle lui-même, il dit النفاق هو ان يظهر الاسلام ويبطن الكفر عبد غير الله او ما عبده قد يكون زنديقا لا يعبد الله ولا يعبد غيره مثل الشيوعي يظهر الاسلام ويبطن الكفر ولو لم يعبد غير الله وهو منافق او عبد غير الله فهو منافق. Cheikh dit, et l'hypocrisie, c'est la mécréance qui est de croire en Allah et d'adorer autre que lui. L'hypocrisie, Cheikh l'explique ce passage-là, Cheikh Rabi. Il dit, l'hypocrisie, c'est de montrer l'islam en apparence et de cacher la mécréance intérieurement. Encore une fois, je voulais vous rapporter tous les sens du mot nifaq dans la langue arabe. D'où il vient le mot nifaq et munafiq? J'ai voulu faire un résumé, comme je vous l'ai dit, mais retournez au deuxième volume de l'explication de Sahih Muslim de Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam l'Éthiopie. Quand il explique, en fait, c'est quoi Khisal al-Munafiq dans Sahih Muslim, et il dit l'explication du mot nifaq, d'où ça vient dans la langue arabe, les différents avis des ulama, etc., qu'est-ce qu'il voit lui le plus fort, etc. Et cher, il dit, l'hypocrisie, c'est de montrer l'islam en apparence et de cacher la mécréance intérieurement. Qu'il adore autre qu'Allah ou qu'il n'adore pas autre que lui. Il se peut qu'il soit un zindiq, qu'il n'adore ni Allah, ni autre que lui. Comme les communistes. Hein? En arabe, on les appelle comment? Hein? D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des... Hein? C'est des athées, ils adorent ni Allah, ni autre que lui. Hein? L'hypocrite, donc, montre extérieurement l'islam et cache la mécréance en lui. Et ce même s'il n'adore pas autre qu'Allah. C'est un hypocrite. Et s'il adore autre qu'Allah, c'est un hypocrite. Et Cheikh, il dit, وهذا الشاهد هو تعريف المنافق هو من يظهر الإسلام نفاقا وكذبا وتقية ويبطن الكفر. كثير من الناس. J'ai apporté ça, après on va parler d'autres choses, inshallah. Et donc Cheikh, il dit, c'est cela le témoin argumentatif, c'est la définition de l'hypocrite. C'est celui qui montre l'islam en apparence, hypocritement et de manière mensongère, et pour se cacher, alors qu'il cache intérieurement en lui-même sa quoi, sa mécréance. Donc, yuzhir l'islam, walakin mada, yubtinu al-kufr. Cheikh, il dit ensuite, كثير من الناس يقول أنا من أهل السنة والجماعة وهو مبتدع ينطوي على البدعة ويتظاهر ويقول أنا من أهل السنة هذا من النفاق هؤلاء يتولون أهل البدع ينطوون على بدع ويقولون نحن من أهل السنة والعلامات أنهم يتولون أهل البدع ويضعون المناهج لحمايتهم نحن نريد شبابا أذكياء فطناء كتيسة أبل دي شيخ ربيع نحن نريد ماذا؟ شبابا أذكياء فطناء عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأينا خللا في هذا الولاء فهناك خلل في العقيدة خلل خطير وضياع كبير شيخ qu'est-ce qu'il dit? Il dit, beaucoup de gens disent, moi je fais partie des gens de la sunna et du consensus, alors que c'est un innovateur. Il cache l'innovation religieuse, puis apparaît disant, je fais partie des gens de la sunna. Ceci fait partie de l'hypocrisie. Ceux-là aiment les gens de l'innovation religieuse et cachent les innovations religieuses et disent, nous faisons partie des gens de la sunna du consensus. Et les signes sont qu'ils aiment les gens de l'innovation. Ils assistent, hein, les gens de l'innovation religieuse, et ils inventent des méthodologies afin de les défendre. Ce que nous voulons, écoutez cet appel de Cheikh Rabi'a, ce que nous voulons, ce sont des jeunes intelligents, avisés, et dont toute l'alliance est pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants, et à leur tête les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un appel de ma part, on prend un exemple sur Cheikh Rabi', c'est que les frères, on veut des frères qui soient intelligents, qui soient avisés, qui ne soient pas naïfs, qui connaissent la salafia, qui apprennent la salafia, et qui mettent en pratique la salafia. Et qu'ils sachent ce qui se passe autour d'eux. Et qu'ils sachent qu'ils aient ce furqan, ce discernement entre le vrai et le faux. Entre les gens du vrai et les gens du faux. Comme Abu Khadija, il est dans la khutbah. Excellente khutbah d'ailleurs d'Abu Khadija. On voit qu'il est de retour, masha'Allah, en pleine forme. Hein? Hafidhahullah, hein? Eh bien quoi, c'est que un furqan qui te permet de voir la différence entre le shirk et le tawhid. Entre les gens du shirk et les gens du tawhid. Entre la sunna et la bid'a, entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, entre la salafia et la hizbiya, entre les gens de la salafia et les gens de la hizbiya. Un furqan. Ça, il faut apprendre. Il faut craindre Allah. Il faut demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous apprenne notre religion et qu'il nous l'aide à la mettre en pratique. Hein? Et puis, apprendre. Et l'apprentissage, il se fait en apprenant. Innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilm bit-tahallum. C'est pas possible de vouloir apprendre et de rester assis à ne rien faire. Comme Cheikh Abdelrazak al-Badri l'a dit, hein, dans son magnifique ouvrage en deux tomes en deux gros volumes sur Dua, Fiqh al-Adhiya wa al-Adhkar, il a dit, hein, on te souvient qu'on a eu cette leçon en troisième année à l'école, hein, on fait un dars de Dua, on le rapporte chaque fois au début de l'année, surtout, toute une série de durus de Cheikh Abdelrazak al-Badri sur l'importance de Dua et de Dikr, etc. Et on avait rapporté cette faïda qu'il a rapporté Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, tu peux pas demander Allah Azza wa Jal, hein, la science, et puis toi tu ne la cherches pas. Comme tu ne peux pas demander rizq sans prendre l'asbab, pourquoi? Pour avoir rizq. Donc tu demandes la science, et ce que tu fais, tu cherches à l'apprendre. Tu cherches à l'apprendre. Comme je vous le dis toujours, c'est une parole que je cite toujours, une parole de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, il dit min khasa ici. Écoutez cette parole, min khasa ici. Al-firqa an-najiya hirsuhum ala jam'i al-'ilm ash-shar'i. Parmi les spécificités du groupe sauvé. Quel groupe? Le groupe sauvé, ikhwan. Hein? Le groupe sauvé, al-firqa an-najiya, c'est quoi? C'est leur attachement, leur désir ardent à chercher, à regrouper, à acquérir la science légiférée. Alhamdulillah, c'est ce qu'on voit de nos frères qui sont clairs dans le manhaj, qui sont attachés à la sunna. C'est le hifd al-Qur'an. C'est la lecture du Qur'an. C'est la lecture du tafsir. C'est l'apprentissage de la langue arabe. C'est les sciences de la langue arabe. C'est le nahou, c'est le sarf, c'est le balagha. Hein? C'est le hadith. Et tout ce qui tourne autour du hadith, la mémorisation du hadith, mustalah al-hadith, etc. Et l'aqidah surtout. L'aqida, les livres aqida, vous avez entendu ce qu'il a dit, ce qu'il a dit à Abu Khadija vendredi, il a dit quoi? Il a dit, il a cité un livre, le livre de qui? De l'imam al-Sabouni. La croyance, hein? Aqida de Salaf, ashab al-hadith, hein? La croyance des salafs, des plus prédécesseurs, et, hein, des gens du hadith. Il a dit que chaque salafi, il a dit que c'était il a utilisé le mot en anglais qui est tremendous, hein, un extraordinaire travail de l'imam Sabouni rahimahullah que chaque salafi se doit de lire. Et il a raison, sadaq. Et c'est un livre qui aussi sur notre liste, inshallah, mais, hein, qu'Allah nous facilite. Ça, c'est des livres vraiment que il faut étudier. Et pourquoi ne pas se regrouper? Au lieu de se regrouper sur, hein, le fait, alhamdoulilah, c'est bien de manger, de faire du sport, de faire ceci, hein, entre nous, etc. C'est bien, mais la base, c'est quoi? C'est l'ilm. C'est ça que, une caractéristique des salafis, c'est qu'ils se regroupent entre eux, des gens de la sunna, ils se regroupent entre eux, et ils mémorisent le Coran entre eux. Ils apprennent le Coran entre eux. Ils apprennent le tafsir entre eux. Ils apprennent le hadith entre eux. Ils mémorisent le hadith entre eux, hein. Regardez juste combien de hadiths est-ce qu'on connaît. Posez juste la question. Chacun se répond à lui-même, hein. Combien tu connais? 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1500, 2000, 3000, combien tu connais? Hein? C'est important. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, il a fait une khutbah de Jumu'ah sur le hadith. Naddar Allah imra'an sami'a maqalati, fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Il a dit que c'est une doua du prophète, alayhi sallatou salam, qu'Allah embellisse. Naddar Allah imra'an, un individu. Et vous voyez que les gens du hadith, ils sont beaux. Pour les frères qui ont déjà eu l'occasion de voir Cheikh Rabi', allez voir son visage, subhanallah al-adim. Nour. Hein, vous avez vu les mashikhs qui viennent chez nous, etc. Vous voyez, subhanallah al-nur, les gens du hadith. Eh bien, quoi que, qu'Allah embellisse, une doua du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah embellisse un individu, une personne qui, hein, a entendu ma parole, elle a comprise, et là, hein, il a mémorisé, transmise, comme il l'a entendu. Et Cheikh Abd al-Razzaq, il dit quoi? Une faïda, il dit, que chaque musulman se doit d'essayer de rentrer dans cette doua, ne fût-ce qu'en mémorisant un hadith. Qu'en est-il si certains d'entre nous, ou l'adou billah, ne connaissent peut-être même pas un hadith? Ou l'adou billah min dhalik. Hayadan billah min dhalik. Pas un hadith, professeur. Sunna, salafia, pas un hadith. Kif. Hein? Faut étudier le hadith. Et c'est plus facile d'étudier ensemble le hadith, le mudhakara fil ilm. Et ça, c'est quelque chose que les frères qui me connaissent bien, qui sont proches de moi, ils connaissent quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est parmi les usul dans talab al-ilm, c'est le mudhakara fil ilm. C'est le fait de revoir l'ilm et d'étudier l'ilm ensemble. Tu étudies une mas'ala, vas-y, dis-le-moi la mas'ala, etc. Et c'est là que tu vois tes lacunes et que tu vois si tu dois revoir ou pas, etc. Et si tu dois voir tes lacunes de compréhension, tes lacunes de mémorisation, etc. Et aussi parce que le fait que tu la rapportes à quelqu'un, etc., ça fait que tu, subhanallah, tu en fais partie de ta science. Ça rentre plus facilement et tu t'en rappelles plus. Donc il faut vraiment essayer, en tant que gens de la sunna, d'être attaché à la science. Et la première partie de la khutbah de vendredi, elle était là-dessus, sur l'importance de la science. Et il a cité un hadith qu'on avait déjà cité dans une des dawrats, vous vous souvenez, hein? Le hadith, on avait cité les 5 phrases. من سلك طريقا يلتمس فيه العلم الى اخر الحديث. On avait dit que le jaza min jins al-amal, que la récompense est du type de l'action, parce que celui qui prend une voie vers la science, Allah lui facilite quoi? Une voie vers le paradis. Donc toi tu prends une voie, Allah te facilite une voie. Le jaza min jins l'amal. Inna al malaikata la tadaru ajnihataha ridan li talib ilm bima yasna', hein? Jusqu'à la fin du hadith. Donc la science, l'ilm, et ça, c'est pas possible sans la langue arabe. Il faut apprendre la langue arabe, il faut apprendre les sciences de la langue arabe, et même si on connaît l'arabe, il faut, hein, il faut apprendre encore toujours plus la langue arabe, au moins les bases, comme les ulama disent, comme Cheikh Al-Uthaymeen dit, hein, au moins de quoi comprendre le Coran et le Sunnah. Si tu fais Ajroumiya, par exemple, pour les frères qui ont un certain niveau, hein, tu fais Ajroumiya, si tu peux, tu fais Qatr Nada aussi, parce que c'est un livre qui est bien, il rapporte des khilafs dans le Madahib Lurawiya, et dans la différence entre les différentes Qabaïl, dans l'Urat, etc. Hein. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il dit quoi? Il dit, sinon tu peux faire Ajroumiya Al-Alfiya. C'est suffisant, il dit. Pourquoi? Parce que l'Alfiya, c'est comme un résumé de toute la grammaire arabe. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire entre nous, mémoriser l'Alfiya. Ibn Malik, c'est 1000 hein, vers. C'est pas si difficile que ça à mémoriser. Hein. Et on pourrait essayer de mémoriser Alfiya de Suyuti dans Mustalah al-Hadith. Hein. On connaît des frères qui la connaissent par cœur. L'Alfiya qui la connaissent par cœur aussi, alhamdoulilah. Hein. C'est pas impossible. C'est petit à petit. C'est comme ça qu'on se construit. Un vers, deux vers, un, trois vers, etc. Est-ce que tu connaisses toute l'Alfiya? D'accord? Donc le fait de faire la langue arabe, le Coran aussi. Le Coran, toute l'importance du Coran. Peut-être que certains d'entre nous, 10 ans, 15 ans, 20 ans de salafia, on connaît peut-être, on va dire, au moins Juz'amma peut-être, sinon peut-être même pas des fois Juz'amma. Allah al-Musta'an. Yani, il faut le Coran. Et le Coran, il vient en quoi? En mémorisant le Coran. C'est pour ça que Cheikh Barramdan, il avait dit une belle parole qui m'a marqué. Il a dit, il avait posé une question dans un dars ici, il avait dit, هل مسألة هي مسألة صعبة؟ Il avait dit, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Il a dit, سهلة التطبيق صعبة التوفيق. Allahu Akbar. Il a dit, c'est une chose facile à appliquer. Mais quoi? Difficile à avoir le tawfiq, c'est-à-dire qu'Allah te le facilite. Parce que le Coran, tout le monde l'a à la maison. Tout le monde l'a dans son cartable, tout le monde a. Hein, le mushaf, il est là. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui l'a dans sa poitrine et quelqu'un qui ne l'a pas? C'est le tawfiq min Allah Azzawajal. Et Inch'Allah, je compte faire un dars, Inch'Allah, sur l'importance et le fadl de Hifz al-Qur'an. Parce que si vous-même, ou dans votre famille, vous voulez motiver les gens à Hifz al-Qur'an, qu'est-ce qu'il convient de faire? C'est de rapporter les preuves, hein, du Coran et de la Sunna sur la préséance du Coran et des mémorisateurs du Coran. Ça motive. Et c'est ce que je fais de temps en temps avec mes élèves le matin, c'est Salafi School. Hein, on lit des hadiths le matin sur quoi? Sur Hifz al-Qur'an. Et voilà, je le vois dans leur visage, ils sont, hein, ils ont une plus grande motivation, etc. Pourquoi? Parce qu'ils se rappellent le fadl de Hifz al-Qur'an. Hein? Il y a un hadith qui nous suffit. Khirukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama Allah. Le meilleur d'entre vous, c'est qui? Celui qui apprend le Qur'an et l'enseigne. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on fasse partie de ces gens-là. Hein? Et quand on dit Hifz al-Qur'an, c'est-à-dire le fait de le mémoriser, de le comprendre de la bonne compréhension et de le mettre en pratique afin qu'il soit pour nous, yom al-qiyama, une hujja, une preuve pour nous, non pas contre nous. Et qu'Allah Azza wa Jal, il nous élève avec ce Coran et ne nous rabaisse pas avec ce Coran. Je reviens au sujet du cours. Ce que nous voulons, et c'est de ça qu'on est parti, ce sont des jeunes intelligents, avisés et dont toute l'alliance est pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants et à leur tête les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il faut éviter, ya ikhwa, et des fois je le vois, hein? Même ici, des fois je le vois, que certains de nos frères, ils ont un laxisme dans le manhaj. Al-wala, al-bara, c'est sur le din. On aime et on déteste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas parce que tu es mon voisin, pas parce qu'on est du même pays, ou parce qu'on est de la même ville, ou parce qu'on est copains, ou que nos épouses sont des copines, hein? Ou qu'on a des activités en commun, ou des loisirs en commun, etc. Là, je vois que t'as une erreur dans le ménage, je te fais nasiha. Je te fais nasiha, t'es mon frère, je te fais nasiha, et je te fais le conseil, et j'insiste, et je te rapporte des preuves, et je patiente avec toi, et je fais du'a, dans mon qiyam al-layl, je lève mes mains, hein, et dans mon sujoud, je demande qu'Allah Azul te guide et te facilite à accepter le nasiha, et qu'il te facilite à t'écarter de cette choubha, de cette ambiguïté, d'avoir un bon mouqif, etc. Je ne me tais pas sur al-batil. Et si tu ne veux pas prendre, je prends un mouqif de toi. Selon les règles d'Al-Sunnah al-Jama'a, en revenant à ulama, bien sûr. Hein, qu'on ne fasse pas, qu'il n'y ait pas d'erreur dans les deux sens non plus. Walakin, on doit voir les choses selon le shara. Et des fois, subhanallah, on voit certains de nos frères, hein, on les voit amis avec certains parmi les gens de l'innovation, subhanallah. Et certains, quand on leur fait nasiha, ils disent, ouais, c'est un truc personnel, laisse-moi tranquille. Subhanallah, le din, c'est personnel. Hein? Personnel. Après, si c'est quelqu'un qui est connu parmi les gens de l'innovation, si toi, maintenant, tu sais que c'est quelqu'un parmi les gens de l'innovation, écarte-toi de lui. Si tu ne veux pas t'écarter de lui, je te fais un nasiha, etc. Et sinon, je prends un mouqif de toi. C'est quoi? C'est l'individu, il est quoi? C'est la religion de celui qui, hein, qui l'accompagne, sur l'importance du compagnon. Comment tu peux être ami avec un hizbi? Comment tu peux être ami avec un bid'i? Subhanallah, adim. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Hassan al-Banna ici, quand il était ici, dans cette mosquée, ici, à l'endroit où je suis, il a dit, hein, même dans tes affaires, tu crois? Tu vas et tu cherches à y aller avec un salafi. Il a dit, ne va pas avec un bid'i. Pourquoi? Parce que le bid'i va te faire alik. Il va t'influencer. Comment tu peux rentrer, sortir, aller manger, etc., aller à droite, à gauche, faire des activités, etc., quelqu'un qui a des choubouhat? Il y a quelqu'un qui est connu pour avoir un mouqif contre les salafis, et quelqu'un qui défend les gens de l'innovation religieuse. Subhanallah, adim. C'est important, le walal bara, c'est très important de se rappeler ça. Al-hubbu fillah wa al-burdu fillah. Bien sûr, on n'appelle pas un extrémisme, on n'appelle pas un laxisme. Il faut le juste milieu. Le juste milieu, c'est le shara, c'est la sunna. Si tu ne sais pas comment te comporter vis-à-vis d'une personne, demande au ulama. Demande au ulama. Dis voilà, il y a un frère, c'est un ami à moi, Kada, il a des choubois, des ambiguïtés, etc. Hein? Il a des mots qui ne sont pas bonnes, etc. Voilà, est-ce que je l'ai bien fait dans siha ou pas? Comment je dois faire, etc. Comment je dois me comporter avec lui, etc. Il ne faut pas laisser les choses comme elles sont et. Hein, et on ferme les yeux, c'est pas grave, on est amis coûte que coûte, etc. Subhanallah. Cheikh il dit, et si nous voyons une déficience dans cette alliance, c'est qu'il y a une déficience dans la croyance. Une déficience grave et une grande perte. Cheikh il dit, فهذا المنافق المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى. غلط. حذيفة رضي الله عنه يقول النفاق اليوم أشد منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قال كان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفون نفاقهم أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم والآن موجود بكثرة خاصة في الحركات السياسية كما شهد به بعضهم وقال بعضهم ما عرفت سياسيا لا يكذب وقال بعضهم السياسة نفاق كثير من السياسيين عندهم نفاق عملي في الأحزاب السياسية ومن علامات هذا النفاق تولي أهل البدع وضع المناهج الخطيرة لمقاومة مناهج أهل السنة وهدمها مثل منهج الموازنات والمنهج الواسع الأفيح الذي يسع الأمة كلها رغم أنه je vais vous relire cette partie là. Celui qui me dit, c'est qui a remporté cette ambiguïté, je lui offre un livre. Wal manhaj al-wasi' al-afyah alladhi yas'u al-ummata kullaha. À qui fait référence ici? Je dis, on veut des quoi? Des frères avisés, intelligents, fotana. On va voir si vous avez capté de qui il parle ici. Hein? Avant lui. Ah, c'est pas des devinettes là. Hein, tu connais ou tu sais pas? Hein? Tu sais ou tu sais pas? Abou al-Hassan al-Ma'arivi. Hein? Ah, je vais pas m'offrir un livre à moi-même. Hein? Je vais le prouver dans un instant, Inch'Allah. Wa ghayru dhalika min al-usul lati wadi'at li muharabati ahli sunnati wa lidhabbi an ahli al-bid'a wa al-dalal. Cheikh, il dit, et maintenant, cet hypocrite, c'est celui qui montre l'islam et cache la mécréance. Il rapporte la parole de l'imam Ahmed et il montre l'islam à la face du monde, à l'exemple des hypocrites qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'islam, il était, il y a miséricorde, il a dit, certaines personnes pensent que l'hypocrisie était à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui était, pardon, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est finie. C'est-à-dire qu'il y avait des hypocrites à l'époque, maintenant quoi il y en a? Hein? Il n'y en a plus. C'est une erreur. Hudayfa, qu'Allah l'agré, a dit, l'hypocrisie est aujourd'hui plus grave qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit comment? Il dit les hypocrites à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cachaient leur hypocrisie, tandis qu'aujourd'hui ils ont montré leur hypocrisie. Alors pourquoi il cite Hudayfa? Hein? On l'appelait le compagnon du sahib sirr, du secret, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit les noms des hypocrites. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Omar ibn al-Khattab? Vous connaissez l'histoire? Quand Omar ibn al-Khattab, il a vu que Hudayfa ibn al-Yaman, il s'est pas levé pour suivre une janaza. Ah. Il est venu chez lui, il a dit, Anshuduka billah. Je te demande par Allah, est-ce que moi je fais partie des hypocrites? Omar ibn al-Khattab, subhanallah, il khaf ala nafsi. Alors qu'il est mubashar bil jannah. Il a peur pour lui-même alors qu'il a été, hein, le paradis a été promis. Où on est nous par rapport à ça? Hein? Est-ce qu'on se pose la question nous des fois? Il a dit, Anshuduka billah. Je te demande par Allah, est-ce que j'ai fait partie des hypocrites? Il a dit, la, wa la ubarri u ahadan ba'dak. Il a dit, non, et je n'en centrerai personne après toi maintenant. Et Cheikh Rabi, il continue en disant, et maintenant, elle est très présente, surtout l'hypocrisie, dans les mouvements islamiques. Al-harakat al-siyasiya. L'islamia, pardon. Comme certains d'entre eux en ont témoigné, et certains d'entre eux ont dit, je n'ai connu aucun politicien qui ne mente pas. Et certains d'entre eux ont dit, la politique, c'est l'hypocrisie. Beaucoup de politiciens ont de l'hypocrisie des actions. Et là, on va voir maintenant, après, hein, qu'il y a quoi? Un nifaq amali et un nifaq itiqadi. Et que c'est un tafsil, chez Al-Sunna, comme il y a un kufr amali et un kufr i'tiqadi. Ou si vous voulez un kufr akbar et un kufr asghar aussi. C'est des taqsimat que les ulama ils ont. Et qu'il y a un shirk akbar et un shirk asghar. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ici, quelqu'un dans la mosquée, il a dit qu'Abu Khadija, c'est un munafiq. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours considéré comme quelqu'un comme n'étant pas un salafi. Parce que j'ai déjà parlé avec lui plusieurs fois. Et vous voyez, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Hein? Zahara, hein? Mais attaquait à la falatat lisani. Il a dit quoi? Il a dit, Abu Khadija, notre imam ici, il a dit, c'est un munafiq. Comme ça, il a dit. Hein? Alhamdulillah, les frères sont occupés de lui, ils l'ont fait nasiha, etc. Alors qu'il regardait la parole, grave parole. C'est un munafiq. Hein? Et quand les frères ont commencé à lui parler, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient même pas la différence entre les. Ils ne savaient même pas c'était quoi, ils ne savaient pas définir c'était quoi l'hypocrisie à la base. Et Cheikh, il dit donc, beaucoup de politiciens ont de l'hypocrisie des actions dans les groupes politiques, et parmi les signes de cette hypocrisie, c'est qu'ils aident les gens de l'innovation religieuse, qu'ils inventent des méthodologies dangereuses afin de résister contre les méthodologies des gens de la Sunna et de les détruire. Comme la méthodologie de Al-Muazanat. Vous savez c'est quoi Al-Muazanat? Ben, c'est de dire que quand, si vous voulez, c'est comme si tu fais la balance, le muazanat. C'est-à-dire que quand tu critiques quelqu'un, il te faut citer aussi quoi? Les bons points, les bons côtés. Ça, c'est pas connu chez les salafs, ça. D'ailleurs, Cheikh Al-Fawzan, dans l'Ajoub Al-Mufida, ça c'est un livre que je cite souvent, je vous dis, c'est un livre que chaque salafi doit lire, subhanallah al-adim. Alhamdoulilah, si je me souviens bien, c'est le premier livre que je crois que j'ai lu dans le Menhaj, ou le premier livre que j'ai lu dans les questions-réponses dans le Menhaj. Al-Jub al-Mufida, an as'ilat al-manahij al-jadida. Écrit, c'est des questions-réponses posées à Cheikh al-Fawzan, mais c'est écrit par un de ses élèves qui est un cheikh lui-même, qui est Cheikh Jamal ibn Furayhan al-Harithi. Et dans le Hachia, il fait un sharh aussi des questions-réponses de Cheikh al-Fawzan. Et dans ce livre-là, aux éditions d'Ar al-Minhaj, page 49 à 60, Cheikh al-Fawzan et Cheikh Jamal ibn Furayhan, ils réfutent cette fausse méthodologie-là. Je vous rapporte une parole d'un salaf par rapport à ça. Rafi ibn Ashras, rahimahullah, il a dit, min uqubati al-fasiq al-mubtadi' an la tadhkura mahasina. Undur sharh ila al-Tirmidhi. Rafi ibn Ashras, quand il fasse miséricorde, il a dit, ça c'est pas dans le livre de Usul Sunnah, c'est une faïda que je vous donne en plus, min uqubati al-fasiq fait partie de la punition du pervers innovateur, que ces points positifs ne soient pas cités. Sharh ila al-Tirmidhi, volume 1, page 353. Et je vous dis, pour revoir la critique de Menhaj al-Muwazanat, Cheikh al-Fawzan, Ajoub al-Mufida, Cheikh Hajjam al-Furuha al-Harithi, page 49 à 60, 11 pages, rien que sur le sujet. Puis Cheikh, il parle d'une autre méthodologie qui est inventée pour défendre les gens de l'innovation et démolir les fondements des gens de la Sunna et attaquer les gens de la Sunna, c'est quoi? Et la méthodologie de Al-Menhaj al-Wasi' al-Afiyah. C'est la méthodologie de la voie large, plus spacieuse, qui est assez large pour toute la Ummah, toute la communauté. Et moi, j'ai déjà entendu ça de ma propre oreille de certaines personnes qui se revendiquent la da'wa salafia francophone. Les frères, c'est trop étroit, il faut un peu. Subhanallah. Chéri dit, c'est l'une des ambiguïtés promues par Al-Mubtadi', ça c'est moi qui le dis, par Al-Mubtadi' Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Cheikh Rabi' maintenant, il dit à ce sujet, وَمِنْهَا ما يسميه بالمنهج الواسع الأفيح هو واسع أفيح فعلا يتسع لكل الأباطل ومجال أفيح للتأصيل الباطل والتلبيس والدفاع عن أهل الضلال. C'est pas la peine de regarder votre livre, c'est pas dans le sunna. Parce que moi j'essaie de quoi il veut parler, donc j'ai été voir dans les livres de Cheikh Rabi'. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi' ici? Et parmi elles, c'est une méthodologie inventée, c'est ce qu'il appelle qui Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Vous savez comment il appelle Abu al-Hassan al-Ma'ribi, l'ulama? Comment? C'est quoi son surnom chez l'ulama? Abu al-Fitan. Cheikh Raslan, il a fait une série de réfutations l'année passée, déjà qu'il a pris les 220 rodeaux des ulama sur lui. 220, je crois, au plus. Cheikh Raslan, il a fait je ne sais pas combien de khotab rien que sur lui, à tel point qu'il ne peut plus se relever. Il a une réfutation en détail avec ilm et quwwa. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, il paraît à la télévision, il rapportait Choubouat, notamment. Vous voyez que Cheikh Rabi' et les ulama qui ont parlé à l'époque, ils avaient raison. Vous voyez maintenant que les révolutions arabes, il a montré sa bid'a à Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Il a montré son mawqif qui n'est pas le mawqif d'Al Sunna al-Jama'a. Abu al-Hassan al-Ma'ribi, c'est un mubtadi'i, ikhwa. Et les ulama, ils l'appellent Abu al-Fitan. C'est ça son surnom. Quand vous entendez Abu al-Fitan, c'est Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Et parmi elles, ce qu'il appelle la méthodologie large et plus spacieuse. Et c'est vraiment large et plus spacieux, comme il dit Cheikh Rabi', car c'est assez large pour toutes les choses fausses. Et plus spacieux pour émettre des faux fondements, et la falsification et la défense des gens de l'égarement. Et d'autres encore parmi les fondements qui ont été inventés pour combattre les gens de la sunna, et de défendre les gens de l'innovation religieuse et de l'égarement. Là, on était revenu au sunna. Vous voulez la référence de la parole de Cheikh Rabi' sur Abu al-Hassan? Cheikh Rabi', il a écrit une série de réfutations, elles ont été regroupées en un volume. Quand j'avais ma librairie à l'époque, je le vendais. Maintenant, ce volume-là, il était imprimé dans le recueil de Fatawa Cheikh Rabi'. Et c'est volume 13 du Majmou' al-Fatawa Cheikh Rabi', page 319 et suivante. C'est Majmou'at Rudud ala Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Recueil de réfutations contre Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Maintenant, je reviens sur le sunnah pour terminer ce chapitre-là. Et d'autres encore parmi les fondements qui ont été inventés pour combattre les gens de la sunnah et défendre les gens de l'innovation religieuse et l'égarement. D'autres fondements qui ont été inventés. Une règle très connue qui dit, quoi? Comme dit Adnan Ar'our, nous sahih, wala nous jarrih. On corrige, mais on critique pas. Ou bien, quoi encore? Al-Manhaj al-Afiyah. Et d'autres règles que ces Mubtadi Ala, ils ont inventées et que les Alama, ils ont réfutées. Nouveau chapitre, que j'ai dit qu'on ne fera pas complètement, mais Inch'Allah, on va en faire une partie. Ça va, c'est pas trop long pour vous, on continue un peu. Ça va? Eh bien, c'est At-Taslim lin-Nusus wa illam na'lam tafsiraha. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, Thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Hada ala at-taghlidh. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, La tarji'u ba'di kuffaran, dullalan, Cheikh Raslan, il dit que chez l'imam muslim, c'est kuffaran aw dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. Si vous voulez revenir à l'explication complète du mot باء أحدهما بها أحدهما, revenez à l'explication de صحيح مسلم de Cheikh Mohammed bin Ali bin Adam al-Ethiopi. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب أو إن دق. C'est un hadith qui a été cité par Ibn Taymiyyah dans le Kitab al-Iman, jugé Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah, al-Suyuti et d'autres. وَنَحْوَ هَذِي الْأَحَادِيثِ مِمَّا قَدْ صَحَّى وَحُفِظَ فَإِنَّ نُسْلِمْ لَهُ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا وَلَا نَتَكَلَّمُ فِيهَا وَلَا نُجَادِلْ فِيهَا وَلَا نُفَسِّرُ هَذِي الْأَحَادِيثِ إِلَّا مِثْلَ مَا جَاءَتْ لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِأَحَقَّ مِنْهَا. Ça c'est la parole de l'imam Ahmed. L'imam des gens de la Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, il dit, c'est un nouveau chapitre, se soumettre, la soumission au texte, et ce même si l'on n'en connaît pas l'explication. Et ça, c'est un point que Cheikh Mohammed Anjari, hein, dont il en avait parlé quand il était venu il y a quelques semaines ou un mois et un peu plus là maintenant, hein, quand il avait fait un cours ici, il avait rapporté de l'importance et comment ils étaient sahaba par rapport à la soumission au texte. Et vous connaissez le verset du Coran, hein? فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإمام أحمد رحمه الله il dit, et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, trois, il faut comprendre caractéristiques, si elles sont en un individu, c'est un hypocrite. Ceci est en guise d'effrayement pour faire peur, l'imam Ahmad dit. Had ala at-taghlid. On va voir ce que ça veut dire, inshallah. Et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne devenez pas après moi mécréants, égarés, les uns tranchant le cou des autres. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmad, numéro 16644. Et quand on dit Ahmad, c'est-à-dire quoi? Dans Musnad l'imam Ahmad, rahimahullah. Et à l'exemple de, si deux musulmans se rencontrent avec leur sabre, le tueur et le tué sont tous deux en enfer. Rapporté par le Bukhari numéro 31 et Muslim numéro 2888, c'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun alayh. Et à l'exemple de, un autre hadith, insulter le musulman est une perversité, fousouq, et le tuer une mécréance. Ça vous dit rien ça? On a parlé déjà de ce sujet-là. Déjà, qui vous pouvez deviner qui va comprendre mal ce hadith? Al-Khawarij, hein, vous commencez, hein, Inch'Allah. Khawarij. On va le voir dans un instant, inshallah. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, numéro 48, et Muslim, numéro 64. Donc c'est un hadith aussi, muttafaqun alayh. Et l'exemple de, un autre hadith, celui qui dit à son frère, ô mécréant, cette parole revient sur l'un des deux. J'ai traduit par revient sur l'un des deux, en raison de l'explication sur l'Éthiopie, mais retournez aux ulama, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça, les nombreuses explications qu'ils ont données à ça, par rapport à faqad ba'a biha ahaduhuma. C'est rapporté par le Bukhari numéro 6103, 6104 et Muslim numéro 60. Il y a l'exemple d'un autre hadith, une mécréance en Allah de se désavouer d'une filiation, d'une généalogie, et ce même en daqqa. Et je vous cacherai pas que j'ai cherché, j'ai pas trouvé aujourd'hui, j'étais occupé à chercher, mais j'ai pas trouvé. En daqqa, donc on va laisser comme ça parce que je veux pas traduire de manière fausse. Et ce hadith-là, il est cité par Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Iman, et il est jugé Hassan, j'ai vérifié dans Kitab al-Iman de... avec le tahqiq de Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Raslan, dans sa vidéo, il dit, dans son cours, il dit que il était jugé Hassan par Suyuti, il était rapporté par Ad-Darimi et d'autres. Et donc il est jugé Hassan par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et d'autres hadiths similaires qui sont authentiques et qui ont été mémorisés, toujours la parole du même Ahmed. On s'y soumet, et ce même si nous n'en connaissons pas le sens, et nous n'en parlons pas, et nous ne polémiquons pas à ce sujet, et nous n'expliquons ces hadiths que comme ils ont été rapportés, et nous les rejetons que pour d'autres plus endroits. Explication de Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali de ce chapitre. Et sa parole, وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَوَ مُنَافِقْ لما ذكر النفاق أنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر أورد أحاديث في علامات المنافقين فغاير الإمام أحمد بين النوعين بين قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق هذا على التغليظ. سأسأل بقول الإمام أحمد هذا على التغليظ يعني لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون عقائديا يبطنون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا هذا نفاق آخر على التغليظ يعني فيه خصال من خصال المنافقين يسميه العلماء بالنفاق العملي. ثلاث من كنا فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. الحديث لدى البخاري ومسلم سنه حديث متفق عليه. وهذه علامات تسمى علامات المنافقين نفاقا عمليا، يعني ليس عندهم كفر باطن وقد يكون، ولهذا قال من كنا فيه كان منافقا خالصا، فقد يكون منافقا 100% وقد يكون عنده نفاق عملي، ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي إذا وعد أخلف، وإذا حلف كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. والله يجب أن نسيء به الظن وأن نحذر منه، لأن فيه علامات قوية من علامات المنافقين الحقيقيين، ولا نجزم ولكن نكون على حذر. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى il rapporte la parole de l'imam Ahmed qui est et sa parole trois caractéristiques que si elle se trouve en un individu il est alors un hypocrite. Lorsqu'il, c'est-à-dire l'imam Ahmed, a cité l'hypocrisie et que c'est de montrer en apparence l'islam et de cacher intérieurement la mécréance, il a rapporté les hadiths sur les signes des hypocrites. Et l'imam Ahmed a fait la différence entre les deux genres. Entre sa parole, trois caractéristiques, que si elle se trouve en un individu, c'est un hypocrite, alors un hypocrite. Eh bien, Cheikh dit, l'imam Ahmed, cela est pour faire peur. Hada ala taghlidh. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire par là qu'ils sont hypocrites de l'hypocrisie de la croyance. Qu'ils cachent la mécréance en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers au jour dernier. Non, c'est une autre hypocrisie qui est citée ici. Pourquoi ? Pour faire peur. Donc vous voyez ici qu'on comprend déjà que quoi ? Qu'il y a deux genres d'hypocrisie. C'est les gens de la sunna. Al-nifaq al-i'tiqadi ou al-nifaq al-amali. C'est-à-dire qu'il a des caractéristiques parmi les caractéristiques des hypocrites. Et les savants l'appellent l'hypocrisie dans les actes, dans les actions. Al-nifaq al-amali. Trois caractéristiques. Si elles se trouvent en une personne, c'est un hypocrite. Il ment lorsqu'il parle. Et s'il promet, il ne tient pas son engagement. Et si on lui fait confiance, il trahit. Et dans une autre version, parce qu'il y a plusieurs versions de hadith, revenez à Sahih Muslim avec l'expression de Cheikh l'Éthiopie, le deuxième volume. Et dans une autre version, et s'il dispute, il insulte. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ Fajara, Cheikh l'Éthiopie l'expliquait en disant, et il insulte et jette des mauvaises paroles. يَرْمِ بِأُمُرْ قَبِيحَ Et des fausses accusations, وَبِلْ بُهْتَانِ Comme l'expliquait Cheikh l'Éthiopie, volume 1, page 368-369. Volume 2. Et après cela aussi, وَإِذَا عَاهَدَ غَادَرَ Et s'il s'engage à un pacte, il trahit. Cheikh il dit, Rabi'a, et ces signes sont appelés les signes des hypocrites qui sont hypocrites de l'hypocrisie dans les actes, al-nifaq al-amali. Alors la question, est-ce que cette hypocrisie l'a fait sortir de l'islam? Non. D'accord? C'est important, là on parle des usul dans l'aqidah, ya ikhwa. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mécréance qu'ils cachent, et il se peut que cela soit le cas aussi. Vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire que ici c'est des caractéristiques. C'est un nifaq amali. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mécréance qu'ils cachent à l'intérieur. Mais il se peut que ce soit le cas. Et c'est pour cela qu'il a dit, celui qui a ces caractéristiques est un pur hypocrite. Munafiqan khalisa. Il se peut donc qu'il soit hypocrite à 100%. Et il se peut qu'il ait de l'hypocrisie dans les actions. Mais nous devons être sur nos gardes quant à celui qui promet puis trahit son engagement. Et s'il jure, il ment. Et si on lui fait confiance, il trompe. Et s'il se dispute, qu'il dise des mauvaises choses et insulte, etc. Cheikh il dit par Allah, il nous est obligatoire d'avoir le mauvais soupçon envers lui. Et que nous soyons sur nos gardes quant à lui. Car il a en lui des signes forts parmi les caractéristiques des vrais hypocrites. Nous ne l'affirmons pas, mais nous sommes sur nos gardes. Cheikh il dit, نسوق الأحاديث et là on va arriver à ce que voulait dire l'imam Ahmed, نسوق الأحاديث التي ما نجزم بأن أهلها كفار وإنما نتوقف فيها وهذا أهيب للأحاديث كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الأحاديث وبعض السلف فسروها ليردوا على الخوارج لأن الخوارج قالوا من ظهر فيه علامة من هذه العلامات كافر 100%. وكفروا الناس بهذه الأشياء ونحن لا، إما نسوقها للتخويف والترهيب فقط، فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر، لأن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر، والنفاق ينقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر، وشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فإذا واجهنا الغلاة من الخوارج قلنا والله هنا نضطر أن هذا كفر دون كفر، كفر أصغر. إذا رأينا العوام ينخدعون ويندفعون في هذه المعاصي نخوفهم، نذكر لهم الأحاديث تخويفا لهم ولا نفصلها لهم. Voyez le fiqh, da'wa des ulama. Et rappelez-moi que je vous rapporte la parole du Cheikh Al-Islam par rapport à ça, inshallah. Cheikh Al-Din, nous rapportons les hadiths et nous n'affirmons pas que les gens concernés sont des mécréants. Mais nous nous arrêtons à cela. Et cela est mis en guise de frayeur quant à ces hadiths. C'est-à-dire que tu cites les hadiths et après tu t'arrêtes à cela. Certains parmi les plus prédécesseurs disaient, nous n'expliquons pas ces hadiths. Et d'autres parmi les plus prédécesseurs les ont expliqués afin de réfuter les khawarij. Et c'est ce que dit Cheikh Al-Islam. Il dit certains salafs, ils les ont expliqués. Pourquoi? Pour réfuter le wa'idiyya. Comme les khawarij, c'est-à-dire qu'ils rapportent les textes de menace comme ça, hein, et ils ne les comprennent pas à la lumière d'autres textes, et ils les utilisent pour quoi? Pour juger mécréants, ceux qui font des grands péchés parmi les musulmans. Alors les ulama, ils sont obligés d'expliquer, de faire le bayan. Sinon le sens, il est connu chez les gens de la sunna. Afin de réfuter les khawarij, car les khawarij ont dit celui qui, chez qui apparaît l'une de ces caractéristiques est un mécréant 100%. Et ils ont jugé les gens mécréants avec ce genre de choses, tandis que nous, non. Soit nous les rapportons pour faire peur, et pour effrayer uniquement. Et si on débat avec nous à leur sujet, par exemple, alors on clarifie aux gens que c'est une hypocrisie dans les actes, et que c'est une petite mécréance, et pas une grande mécréance. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de le faire à ce moment-là. Car la mécréance se divise en petite mécréance, ou mineure si vous voulez, et grande mécréance ou majeure. C'est-à-dire une mécréance qui fait sortir l'islam, et une mécréance qui ne fait pas sortir l'islam. Et vous avez des exemples, vous connaissez. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Abdallah ibn al-Khawarij, les tekfirines, ils comprennent ça que toute personne qui ne juge pas que la loi d'Allah, khalas, c'est un kafir. Les gens de la sunna, non. Ils ont un tafsil par rapport à ça, ils ont un détail. Ils ont le tafsir de l'exégète du Coran par excellence, qui est Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit لَيْسَ الْكُفْرِ الَّذِينَ تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Et par rapport aux autres versets, fisqun duna fisq wa dhulmun duna dhulm. C'est-à-dire que ce n'est pas le kufr vers lequel vous allez, mais c'est le kufr qui est en dessous du kufr, c'est-à-dire le kufr mineur, le petit kufr. D'accord? Hein? Et même certains des tekfiris, maintenant, actuellement, aujourd'hui, contemporains, ils ont essayé de juger ce athar da'if. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a prouvé qu'il était sahih et qu'il était même sur les conditions de Bukhari ou Muslim. Et que cet athar-là, c'est devenu un fondement chez les gens de la sunna du consensus. D'accord? Tandis que, na'am, si un hakim, un gouverneur, il dit quoi? Il dit que, il dit que le fait de juger autre que la loi d'Allah, c'est meilleur que la loi d'Allah, là c'est autre chose. Ou qu'ils sont, quoi? Au même niveau. Ou dit que c'est autorisé, il rend ça licite. Ça c'est autre chose. Revenez, on parle des ulama là-dessus. Mais ici, pourquoi j'ai cité ça? Pour dire, regardez l'offre d'Abdallah ibn Abbas. Kufr, duna kufr. C'est-à-dire qu'il y a cette distinction chez les gens de la sunna. Et je vous ai déjà rapporté des hadiths, on va les rapporter qu'aujourd'hui. Comme le hadith qui dit, Sibabu al-Muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, insulter un musulman, c'est une perversité. Et le tuer, c'est une mécréance. Donc toute personne qui commet un meurtre, c'est quoi? C'est un grand péché, c'est une mécréance et il est kafir. Déjà, maintenant, vous devriez être apte à réfuter ça. Qui peut réfuter ça? Pour les frères au moins qui ont écouté les drôles qu'on a fait avant. Tu lui cites le verset dans Surat al-Hujurat. Ahsan, on va le citer d'ailleurs dans un instant, inshallah. C'est quoi le verset? Ça, c'est à la fin. Ça, c'est le verset sûr. À l'al-Ukhra. Faqatilu allati tafi'a ila amrillah. Jazakallah khairan. Tu lui cites le verset de sourate Al-Hujurat. Qu'on va citer dans un instant, inshallah. Hein? Vous voyez encore une fois l'importance, ça c'est, faut vraiment que vous gardiez bien ça en tête, c'est de quoi? Al-jam'a bayna nusus al-shara'a. Il y a une belle parole de Kitab Cheikh Islam Taymiyya dans Kitab Iman par rapport à ça. Al-jam'a bayna nusus al-shara'iyya. De regrouper les textes sur un sujet donné. D'accord? De ne pas prendre un texte, laisser d'autres textes. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Rabih, hafidahullah ta'ala, il dit, et l'hypocrisie se divise aussi en grande hypocrisie et petite hypocrisie. Et le shirk, l'association, se divise en grande association et en petite association. Donc, si nous faisons face aux khawarij extrémistes, on parle, et par Allah, là, nous sommes obligés de dire qu'il y a une grande mécréance et une petite mécréance. Et si nous voyons que les gens de la masse, le commun des musulmans, se laissent tromper et tombent dans ce genre de péché, nous leur faisons peur, nous leur rapportons les hadiths afin de les effrayer, et nous ne leur faisons pas de détails. Vous voyez, hein, fiqh da'wa ici. C'est ce qui est apparent, Cheikh, il dit, « وَهَدَ ظَاهِرُ مَدَبِ الْإِمَمْ أَحْمَدِ » Et on arrive à la fin, encore quelques lignes, soyez patients, Inch'Allah, on a fini. « وَالدَّلِلْ عَلَى هَذَا مَا وَرَدْ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ الْخَوَارِجِ فِي أَحْكَامِهِمْ إِذْ هُوَ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ حَرْبًا عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَيُكَفِّرُونَ بِهَا الْعُصَاةَ وَيُكَفِّرُونَ بِهَا أَهْلَ الْكَبَائِرِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْكَبَائِرِ فَمَثَلًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ الْخَوَارِجُ يُكَفِّرُونَ بِهَذِهِ النُّصُوصِ ici je crois que vous avez بِهَذِهِ النَّصِ hein. Alors il faut dire بهذا النص. وهل السنة يقولون لا ليس كذلك فالله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة الآيات سورة حجرات 9-10 et c'est le début du 10e verset, il y a encore le reste. فشهد لهم بالإيمان وشهد لهم بالأخوة الإيمانية مع أنهم اقتتلوا وقاتل بعضهم بعضا وسلوا السيوف بعضهم على بعض لكن إن كان هذا الذي سل السيف وقاتل المسلم مستحلا لذلك فهو كافر وإن كان يرى حرمة دم هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد وأشياء مع أنه يرى أن هذا القتال حرام فهذا ليس بكافر وإنما عنده كفر دون كفر كفر عملي لا يخرجه من الملة ولهذا فسر أبو عبيد وغيره وابن تيمية وأئمة الإسلام كلهم هذه الأحاديث التي تعلق بها الخوارج وذهبوا يكفرون بها المسلمين بارتكاب هذه الكبائر بالزنا وشرب الخمر والقتل والقتال ومشاكل ذلك فيكفرونهم أهل السنة شرحوا هذه الأحاديث بمثل ما قلناه لكم Et c'est ce qui est apparent du madhab de l'imam Ahmed, et Cheikh l'Éthiopie dans Sharh Sunan Nasa'i, le premier volume, il explique le mot madhab, ay alladhi yadhabu ilayh. Hein? C'est un mot qui est souvent utilisé dans l'aqida, comme dit Cheikh l'Éthiopie. C'est ce qui est apparent du madhab de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, et la preuve de cela est ce qui a été rapporté, car il s'oppose au khawarij, rahimahullah, dans leur jugement, car il fait partie des gens qui combattaient le plus le khawarij, l'imam Ahmed, rahimahullah. Car ils s'accrochent à ce genre de choses, les khawarij, et jugent mécréants avec cela les désobéissants parmi les musulmans. Et jugent mécréants ceux qui commettent des grands péchés. Et on avait déjà fait tout un cours hein, de Cheikh Ali al-Haddadi sur le mawqif, la position des gens de la sunna du consensus, sur celui qui commet un grand péché parmi les musulmans. Cheikh Rabi, il continue en disant, « Et la voix des gens de la sunna est qu'ils ne jugent pas mécréants ceux qui commettent des grands péchés. » Par exemple, il y a consensus là-dessus, il ne faut pas qu'il y en ait qui veulent découvrir qu'il y a une divergence. Et sa parole, ne devenez pas après moi mécréants, égarés, kuffaran dullala, les uns tranchant le cou des autres. Ah, vous voyez, hein? C'est-à-dire que tu tranches le, hein? C'est-à-dire quoi? Ben, si tu tranches le cou de quelqu'un, un musulman, ben quoi, t'es un kafir. Les khawaris jugent mécréants en fonction de ce texte. C'est comme ça que les khawaris ont compris ce texte. Tandis que les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ce n'est pas le cas. Allah dit ce dont la traduction du sens est. Et si deux groupes de croyants se combattent, Allah comment les a appelés? Croyants, alors qu'ils se combattent. Et si les deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez Les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Surat al-Hujurat, verset 9 et 10 en partie. Allah subhanahu wa ta'ala a donc attesté de leur foi et a attesté de leur fraternité dans la foi malgré qu'ils se sont combattus et qu'ils se soient combattus et que certains ont combattu d'autres et qu'ils ont vu le sabre les uns contre les autres. Mais si celui qui lève l'épée combat le musulman croyant que cela est licite, alors c'est un mécréant. Vous voyez la différence ici? Dhabit ici, c'est que s'il combat son frère musulman, hein, et qu'il lève l'épée contre lui croyant que c'est licite, alors c'est un mécréant. Qu'est-ce qu'il avait dit, Cheikh Ali al-Haddadi? Comment tu peux savoir qu'il croit que c'est licite? Est-ce quelque chose que tu peux savoir? Non, parce que c'est une action du cœur. Donc ça doit être dit par lui. Parce que si tu disais que toute personne qui fait un grand péché croit nécessairement que c'est licite, ça veut dire que toute personne alors qui fait un grand péché est un kafir. Or, on a bien vu que c'est faux. Et s'il voit l'interdiction de faire couler le sang de ce musulman, mais il le fait par passion, ou pour une raison, une affaire, ou une haine, ou autre, malgré qu'il voit que ce combat est haram, illicite, celui-là n'est pas un mécréant, mais il a une petite mécréance, une mécréance dans les actions qui ne le fait pas sortir de l'islam. Et c'est pour cela que Ubayda et d'autres, quelqu'un a un stylo ici. Que Abu Ubayda et d'autres, et Ibn Taymiyyah, et les imams de l'islam ont tous expliqué ces hadiths auxquels s'accrochent les khawarij et au moyen desquels ils jugent les musulmans mécréants en fonction de grands péchés commis. La fornication, la consommation d'alcool, le meurtre et le combat, etc. Vous devriez être capable, maintenant, vous devriez être capable de me citer un hadith clair sur celui qui commet la fornication ou vol sans le juger licite, eh bien, c'est pas un kafir. Vous devriez être capable de me citer. Hadith Abu Darda. Zakum Allah khairan. Dans Sahih Muslim. Qu'on avait déjà cité dans le cours précédent. Il les juge donc mécréants, tandis que les gens de la Sunna ont expliqué ces hadiths parce que nous vous avons dit. Vous voyez l'importance d'assister à ce genre de cours, même si je prétends pas être un enseignant, on fait que traduire ce qu'ils disent les chiours, hein. On y voit l'importance, on apprend les fondements de notre religion, hein. À cette heure-ci, le samedi soir, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et encore une fois, c'est un tawfiq. Tawfiq pour moi d'être ici, de pouvoir faire ce cours, et tawfiq pour vous, hein, d'être pouvoir être ici, et de pouvoir assister, écouter, et prendre ce genre de faoïd, hein, et d'apprendre les fondements de notre religion, les fondements de notre croyance. Dans ce monde-ci, à nos jours, où il y a tellement de choubouhat, tellement d'ambiguïté qui circule. وكذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يقام عليه الحد إما رجما وإما جلدا لو كان كافرا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه حكمه القتل فقط يستتاب فإن تاب وإلا قتل قتل ردة ولا قتل حد. Et avec ça, on a fini, inshallah, pour aujourd'hui en tout cas. De même, le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant. On avait dit que ce hadith, le khawarij, il l'utilise pour quoi? Juger le fornicateur comme étant mécréant. On a vu qu'ici, c'est quoi? C'est un nafi. Kaman al-iman al-wajib. C'est une négation de la complétion de la foi obligatoire. Et que c'est pas une négation de toute la foi. C'est pas celui qui fornique, khalas, la plus de foi du tout. Non. Parce que qu'est-ce qui annule la foi? C'est les annulatifs de la foi. Nawaqid l'iman. Nawaqid l'islam. Qui font sortir la personne de l'islam. Qui annule la base de la foi. Cheikh, il dit, la peine légale lui est appliquée, soit la lapidation, soit la flagellation. Comme on l'a vu dans le cours précédent. S'il était mécréant, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est « Celui qui change de religion, tuez-le. » Voyez le hadith qu'il utilise pour montrer que le fornicateur, c'est pas un kafir. « Man baddala dinahu faqtulu. » Or, si tu dis qu'il était mécréant, ben c'est la mort. Or, ici, c'est le had. Vous voyez, regroupé entre les textes. Son jugement n'est rien d'autre que la mort. On lui demande donc de se repentir. Retenez ces termes-là. Al-istitaba. Al-istitaba. Yustatab. Quand vous voyez dans un livre, souvent vous voyez ça dans les livres de, par exemple, Kitab Ridda, chapitre sur l'apostasie, vous voyez l'istitaba. C'est celui qui délaisse la prière. Al-istitaba. Hein? C'est-à-dire que, on lui demande de faire tauba. Yustatab. On lui demande de faire tauba. L'istitaba. Yustatab. Istitabatan. Hein? D'accord? Et, s'il se repent, alors c'est bon. Et sinon, il est tué en raison de son apostasie. C'est pour ça que les ulama font la différence. Bain alladhi yuqtalu riddatan, walladhi yuqtalu haddan. C'est pas la même chose. Il y a celui qui est tué en raison de son apostasie, et celui qui est tué en raison d'une peine légale appliquée sur lui. C'est pas la même chose. Retenez ces termes-là. Qatl ridda, qatl, hein? Yalladhi yuqtalu riddatan, walladhi yuqtalu haddan. D'accord? Non. Ouais, ça va. Non, parce que je vois des yeux qui s'élargissent et qui sentent l'incompréhension. Yani, évidemment, le had, ça peut être la mort. Comme j'ai dit, parce que j'ai dit yuqtalu haddan. Hein? D'accord? Mais il n'est pas tué parce que c'est un apostat, parce qu'il est sorti de l'islam. C'est ça qu'il faut comprendre. Son jugement n'est rien d'autre que la mort. Celui qui change sa religion, on lui demande de se repentir. S'il se repent, c'est bon. Sinon, il est tué en raison de son apostasie et non en raison d'une peine légale, un had. Ça, c'est bien compris. Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, inshallah. Et après, on continue. وَالسَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ حَدًّا. D'accord? Et d'ailleurs, il dit وَلَوْ كَانَ كُفْرًا يُقْتَلُ وَلَا تُقْطَعْ يَدُهُ. Il a dit justement, si le fait de voler, c'était un couvre, hein, une mécréance qu'il fait sortir de l'islam, eh bien, il serait tué, on ne le couperait pas la main. D'accord? Et donc, la prochaine fois, on terminera, inshallah, ce chapitre. Et j'espère, inshallah, tout le livre. En tout cas, ce qui reste du livre. Wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.